Merci beaucoup Nicolas pour ces mots très gentils. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Alors effectivement, pendant un certain temps, ceux qui ont l'habitude de cet endroit et de cette manifestation, le séminaire de l'imaginaire, c'était plutôt des conférences un peu traditionnelles. Alors il se trouve que d'une part, du côté de la Villa, ils avaient envie de régénérer un petit peu la forme. Et il se trouve que d'autre part, pour ma part, j'avais envie de faire autre chose qu'une conférence traditionnelle sur Batman, puisqu'il m'avait très gentiment invité à communiquer sur ce personnage. En effet, mon actualité faisait que, mais précisément en raison de cette actualité et d'un livre qui est sorti maintenant il y a déjà quelques mois, puisque le livre est sorti pour les 80 ans de Batman au mois de mai dernier, et qu'il a eu, j'en suis à la fois très heureux, très étonné, mais une belle petite force critique qui fait que j'ai déjà pas mal circulé et communiqué autour de ce livre, de ce personnage, sous différentes formes et de conférences et de rencontres littéraires, etc. J'avais envie aussi un petit peu de faire autre chose. Et bien avec Frédéric Laurent, on a commencé à rêver en effet d'autres choses et de faire une formule où simplement je lirai des extraits de ce livre et à côté de cela, bien, Frédéric ferait une proposition visuelle et donc un habillage qui va venir donc, comme un deuxième discours à côté du mien avec une série de points de jonction. Mais voilà, un habillage visuel à ses propos. Donc c'est une très très bonne idée. C'est tellement dommage qu'on n'a pas eu le temps d'y travailler. Ça aurait été si bien, si vous voulez. On n'a pas répété, donc c'est la première fois qu'on le fait vraiment pour du vrai. À la fois là, on n'a pas encore calé toutes les images. À la fois là, j'ai à peine eu le temps de choisir ce que j'allais vous lire. Donc on est vraiment dans le côté expérimental. On croise les doigts, on trouille, évidemment, parce qu'on dit que ça ne va pas aller. Mais ça va aller, dites-moi que ça va aller. Voilà la formule. Et je vais demander à Jean s'il veut bien éteindre la salle à présent. Et on va pouvoir débuter cette lecture qui sera dans la durée habituelle, bien sûr, de ce séminaire. Enfin, habituelle, j'espère, puisque comme je ne l'ai encore pas lu avant, j'espère vous libérer pour 16 heures, normalement. On va attendre que le noir se fasse. Une rumeur dans la nuit. Le ciel s'est assombri, le bitume s'est noirci. Gotham City, plongée dans la nuit, majestueuse et inquiétante, semble peinte. Elle est cependant animée d'une vie grouillante, comme si elle ne dormait jamais. Les rues sont bondées, c'est la sortie des salles de spectacle et de cinéma. Papa, maman et le petit garçon sont pressés de rentrer, mais les taxis ne sont pas assez nombreux. Ils s'aventurent imprudemment dans la ville, malgré la peur de s'y perdre. Le petit garçon déplie un plan, le père le réprimande, ça fait touriste, il n'a pas tort. Une prostituée les aguiche en les trouvant mignons. Le père presse le pas, il s'agit de ne pas traîner dans la rue. Le petit garçon prévient, ils vont dans la mauvaise direction. Le père, anxieux, n'écoute pas, il entraîne sa famille dans un dédale de ruelles de plus en plus sombres, étroites et désertées. Un clochard les interpelle. Il marche encore plus vite. D'un coin de rue, forcément mal famé, surgit un malfrat armé. Il frappe le père qui s'effondre au sol. Il menace la mère et lui arrache son sac à main tandis que son complice fait les poches du gisant. Les brigands fuient en ordonnant à la mère de ne pas crier. Elle hurle. La caméra prend du recul et filme la ruelle à la verticale. La mère et le fils sont agenouillés auprès de la silhouette inerte du père. Les angles de vue basculent, les plongées donnent le vertige, les cadrages se font expressionnistes. C'est le début du célèbre film de Tim Burton, réalisé en 1989 et sobrement intitulé Batman. L'insipid rejoue, en la déplaçant, la tragédie qui frappa le héros dans son enfance. Car ce petit gamin n'est pas le héros du film. Il est l'un de ses avatars et l'une de ses hantises. Le plan suivant, tourné d'encore plus haut, montre une très étrange silhouette noire. Elle est en fait, à bien y regarder, dessinée et animée dans le décor. Fugitive, elle n'appartient pas au même régime de photoréalisme que le reste de la séquence tournée en prise de vue réelle. Elle est une anomalie, un corps étranger, un doute dans l'image, une fugace incertitude. Cette tache sombre, dont la belle et longue ombre portée est encore plus noire, observe le fait divers depuis le sommet d'un immeuble avant de se retourner avec prestance pour disparaître mystérieusement. Les deux malfrats, dissimulés dans le coin d'un toit désert, se réjouissent de leur butin. L'un d'eux ne paraît pourtant pas totalement rassuré. Il se souvient de ce qui est arrivé à un certain Johnny. Son complice l'interrompt. Ben, Johnny était bourré, il est tombé d'un toit, et puis un poids c'est tout. Mais non, reprend le criminel couard, de plus en plus terrifié à mesure qu'il égrène son récit. Ce n'est pas du tout ce que l'on raconte. On dit que c'est la chauve-souris qui s'en est occupée. Les deux hommes débattent car le second ne croit pas à ses fadaises. Et alors qu'ils évoquent les restes du corps de Johnny après sa terrible chute de 5 étages, au loin, en arrière-plan, dans le dos des deux bandits qui conversent, une silhouette se déplie de manière fantasmagorique. Debout dans l'ouverture de la porte du dernier étage de l'entrepôt, rétro-éclairé par une probable lampe de chantier, entourée de fumées industrielles, cette chauve-souris géante soigne son entrée, élaborée comme le climax d'un spectacle de magie. L'imagerie de cette première apparition repose sur la figure du seuil, celui qui sépare la vie de la mort, celui qui distingue le monde des hommes ordinaires de celui des créatures extraordinaires. Cette mise en scène, époustouflante, est cependant ignorée des malfrats. Elle ne s'adresse qu'aux spectateurs du film qui s'amusent du contrepoint, puisque, à l'avant-plan, l'un des criminels ne cesse de répéter à son comparse qu'il n'a pas à s'inquiéter de cette chauve-souris vengeresse, qu'il n'existe pas. Et c'est alors que, surpris par un bruit, les deux hommes lèvent la tête et voient se dresser au-dessus d'eux l'effrayante stature aux ailes déployées de la créature redoutée. Les malfrats bondissent pour se sauver. L'un d'eux sort son arme à feu et tire à bout portant et à plusieurs reprises sur ce corps insolite qui tombe finalement au sol. Mais le soulagement des criminels est de très courte durée, car, sous leurs yeux incrédules, le monstre se redresse tout en se redéployant encore une fois, ses bras, ses ailes, plus menaçants que jamais. Le premier malfrat est neutralisé par un violent coup de pied au torse. Le second, celui qui niait l'existence d'un chauve-souris, est rattrapé par un filin alors qu'il tentait de s'enfuir. Empoigné, emmené au bord de la corniche du toit et soulevé au-dessus du vide par le ténébreux justicier, le gredin supplie d'épargner sa vie. Le chevalier noir révèle alors l'essence de son grand projet. Plutôt que de mettre fin à ses jours, il demande à sa pitoyable proie de lui rendre un service. « Fais ma publicité auprès de tes amis. » Le criminel, pris d'une peur panique, gigote les pieds dans le vide et hurle comme un démon. « Qui es-tu ? Qui es-tu ? » « Je suis Batman. » répond sans rire l'homme chauve-souris, avant de relâcher le gredin sur le toit et de sauter dans le vide. Stupéfait, le malfrat jette un regard à sa suite, mais il ne voit qu'une ruelle calme et déserte, comme si tout cela ne s'était jamais produit. L'icône et ses fictions. Dans l'univers très bariolé et fantaisiste des super-héros américains, le personnage de Batman tient sans nul doute une place à part. S'il est l'un des personnages de comics les plus populaires au monde, aux côtés de Superman ou de Spider-Man, pour ne citer que ceux-là, il n'en a pourtant aucun des atours colorés et sympathiques, ni aucun des pouvoirs prodigieux et fantasmatiques. Le héros, créé par Bob Kane et Bill Finger en 1939, au premier temps du développement de l'industrie des super-héros et dans la foulée de l'invention de l'extraterrestre kryptonien surpuissant et bienfaiteur de l'humanité, est un être plus sombre, directement associé à la nuit et issu de la mécanique déjà trop huilée des romans pulp policiers américains. Pas de super-pouvoirs fantastiques donc, pas de grands idéaux universels, pas de costumes colorés, pas d'exploits glorieux en plein jour et pas d'humour. Ni bon enfant, ni même comme politesse du désespoir. Juste le serment d'un petit garçon traumatisé, déterminé à gâcher sa vie, à poursuivre les criminels, dans un accoutrement pour le moins discutable, de chauves-souris géantes. C'est à se demander comment les lecteurs de l'époque se sont laissés séduire. À moins que, précisément, ce ne soit cette distinction qui constitue l'objet d'une fascination toujours renouvelée pour le héros, jusqu'à créer régulièrement de véritables Batmania très médiatiques. Autre trait particulier de ce personnage énigmatique, il n'a cessé tout au long de ses publications, en comics ou en strip, et de ses adaptations au cinéma, à la télévision, dans les jeux vidéo, d'être requalifié sans être redéfini, jusqu'à multiplier tous les paradoxes identitaires. Justicier violent, refusant les armes létales. Hors la loi, collaborant avec la police. Âme solitaire, entourée de nombreux compagnons. Super-héros surpuissant, dépourvu de pouvoir. Rarement un héros de bande dessinée aura avoué une telle plasticité et aura supporté sans fléchir les innombrables relectures kaléidoscopiques de multiples artistes chargés de lui faire vivre de nouvelles aventures, capables de se plier aux visions, souvent géniales, du conservateur Frank Miller comme du libéral Denis O'Neill, par exemple. Cette malléabilité trouve peut-être sa possibilité ou sa condition dans la définition très minimale du héros donnée par Bob Kane pour satisfaire une commande pressante de son éditeur. Une silhouette d'homme chauve-souris vaguement inspiré par le dessin d'une machine volante de Léonard de Vinci. Bill Finger, comme tous les scénaristes qui l'ont suivi, aura eu pour seule mission de construire une série d'éléments narratifs plus ou moins cohérents autour de cette icône visuelle. La spontanéité de sa création et l'improvisation dans laquelle furent conduites ses premières histoires rendent Batman beaucoup plus affranchi de sa narration originelle que d'autres super-héros et permettent un jeu permanent de variations, de relecture et de déplacement. Batman est une idée visuelle, source d'un dispositif d'assemblage de bribes narratives. Il est un principe et l'incarnation d'une force, sans doute primitive, comme l'écrivait Kierkegaard au sujet de Don Juan. Il est en conséquence le véhicule, autant que le réceptacle, d'un univers imaginaire protéiforme développé par vagues d'analogies, de rattachements, de contaminations et d'incorporations, indéfiniment soumis à une insatiable logique d'interprétation et de réinterprétation. Rétrospectivement, il apparaît que cette silhouette d'homme chauve-souris a été l'une des grandes inventions conceptuelles du XXe siècle dont elle inspira nombre d'artistes et d'auteurs et s'édifia parution après parution en une complexe mythologie moderne aux innombrables ramifications s'adressant, selon les lieux, les époques et les supports, aux enfants, aux adolescents, aux adultes, aux amateurs de récits policiers, fantastiques, de science-fiction, de fantasy, d'horreur, ou encore même de comédie et d'action, sous une gamme de dessins extrêmement étendue, de la facture expressive de Max Sprang à l'hyper-réalisme d'Alex Ross, en passant par les traits cartoony, juvéniles de Ty Templeton, ou encore les peintures cauchemardesques de Dave McKean. Certes, chaque lecteur, chaque spectateur a son Batman, celui de sa préférence, en fonction de ses propres expériences de découverte, de ses goûts, de son âge, du moment de son premier contact avec le héros. Mais chacun reconnaît immédiatement le héros, malgré les innombrables changements de tonalité et même de costume qu'a connu le personnage, qu'il soit en couverture d'un détective comics des années 40, ou sur l'affiche d'un film de Nolan des années 2010, ou encore sur la couverture du fameux magazine d'actualité Life de mars 66, qui a fait sa une avec l'acteur Adam West, bondissant allègrement dans sa tenue de la série télévisée, tandis que la titraille promet « A Mad New World of Batman, Superman and the Marquis de Sade ». Indiquant combien le monde pop de ce héros improbable incarne à lui seul une sorte de postmodernisme échevelé. Si ce constat de variation kaléidoscopique de l'identité graphique et narrative d'un personnage est somme toute commun dans le monde des comics américains, il semble cependant que Batman est le super-héros qui pousse le plus loin cette expérience des limites de la cohérence de son personnage. Grâce à cette définition minimale, visuelle, on l'a dit, mais grâce aussi à un dispositif très particulier, mis en exergue dans le premier film de Burton, comme dans d'innombrables productions liées aux héros, Batman est présenté par les auteurs, par les personnages de fiction et par lui-même comme une construction fantasmagorique. Batman est un personnage raconté. Une histoire des légendes. La permanence du motif narratif Batman, donc un homme se déguise en chauve-souris pour combattre le crime, et la collecte de ces variantes, Chaque épisode de ses aventures paru depuis mai 1939 reconfigure peu ou prou le motif iconique, le rapproche du fonctionnement bien connu des sociologues d'une légende contemporaine. Si l'œuvre de fiction ne peut pas constituer elle-même une telle forme, elle emprunte, dans son dispositif de narration, nombre de caractéristiques définitoires de ce que d'aucuns ont appelé des mythes urbains ou des légendes urbaines. Des récits brefs, en nombreuses variantes, toujours donnés pour vrais, forcément surprenants, forcément prodigieux, du surgissement du monstre surnaturel aux exploits du jeune prodige Robin et de son mentor. Contextuel, exemplaire, moraliste, hein, publication pour la jeunesse oblige, et exprimant de manière symbolique les désirs et les aspirations, mais aussi surtout les peurs et les angoisses d'une société. Batman est inlassablement, et surtout très avantageusement, présenté avec les atours d'une rumeur. C'est-à-dire, pour reprendre la fameuse définition d'Edgar Morin, une histoire fabuleuse reposant sur un échafaudage mythologique. Mais de quoi Batman est-il le nom ? La question est essentielle car il s'agit d'un nom qui effraie, qui éblouit et qui court les rues et les esprits des jeunes lecteurs depuis de très nombreuses décennies maintenant. Un nom qui résonne comme un coup de tonnerre dans la nuit. C'est l'emphase poétique employée par Bruce Timm à la fin du générique de sa série animée dans lequel Batman apparaissait de manière fulgurante au-dessus d'un toit, soudain éclairé par la lumière d'un éclair. Un nom, enfin, qui semble cristalliser toute une série de fantasmes collectifs. Le scénariste Denis O'Neill, au tournant des années 1970, modernisa le Chevalier Noir et lui offrit l'une des plus prolifiques et importantes parties de son épopée, développée de manière homérique. L'auteur semble toujours avoir considéré que Batman faisait partie d'un folklore moderne, post-industriel, partagé bien au-delà du petit cercle des lecteurs et amateurs de comics, solidement ancré dans nos imaginaires contemporains et qui, en conséquence, pose autant de questions qu'une figure de la mythologie ou de la religion. La dimension mythique du personnage est aisément appréhendable si l'on veut bien penser que Batman est donné à lire et à voir comme le produit, ou plutôt la manifestation, d'une pensée symbolique, sauvage directement avec Lévi-Strauss, structurée sur le modèle de la fable, exprimant métaphoriquement de nombreux problèmes sociétaux et recyclant une série de motifs du folklore traditionnel. Cette dimension est d'ailleurs fréquemment interrogée dans les aventures du héros, notamment dans les œuvres qui le déplacent dans d'autres contextes historiques. Ainsi, dans A Tale of Batman Gotham by Gaslight, publié en novembre 1989, écrit par Brian Augustin et dessiné par Mike Mignola, et dont l'intrigue est située à la fin du 19e siècle, Bruce Wayne, revenu d'un voyage à Londres, débute sa carrière de justicier nocturne au moment même où Jack l'Éventreur terrorise Gotham City. Les deux personnages sont présentés comme des rumeurs qui font les choux gras de la presse et animent les salons des vieilles rombières. Bien vite, ces chimères n'en deviennent qu'une, une chauve-souris géante, tueuse de prostituées. La confusion entraîne Bruce Wayne en prison, inculpé d'assassinat. Il faudra que Batman identifie le tueur sanguinaire et réécrive par là même son histoire pour développer sa propre légende urbaine. Le Batman du futur, celui que Frank Miller décrit vieilli, à la retraite, dans The Dark Knight Returns, est d'abord une affaire de perception. Ses actions présumées sont en permanence commentées dans les talk-shows télévisés, aussi indignes que contradictoires, par des journalistes, des psychiatres, des témoins, ou de simples citoyens aux avis très partiaux. Tout au long du récit, la dimension légendaire du héros est questionnée, tant par rapport à son existence qu'à la légitimité de ses actes et de sa guerre personnelle contre le crime. Paul Pop, dans Batman Year 100, publié en 2006, creuse le sillon de Miller, faisant du Batman de ce futur en dystopique une aberration. Une aberration qui échappe au système de surveillance liberticide d'un régime, semble-t-il, totalitaire. La bande dessinée est rythmé de communiqués d'agences de presse ou de rapports de presse, consignant des signalements, souvent farfelus, des inexplicables apparitions du Batman. Son image, filmée par les caméras, est systématiquement brouillée, et ses facultés d'infiltration des lieux les plus sécurisés sont inexplicables. Les autorités ne cessent de répéter que le Batman de Gotham n'existe pas, jusqu'à ce qu'un policier en mission fasse son rapport. Une légende urbaine vient de chuter de 7 étages. Légende urbaine, mon cul, abondera le nouveau commissaire Gordon. Tandis que le héros semble plus insaisissable que jamais, s'équipant régulièrement de dents monstrueuses pour que ses ennemis ne puissent jamais le considérer comme humain, prenant une fois de plus en charge la construction de son propre mythe. Car Batman, faut-il le préciser, est le premier conteur de son récit. Dans une jolie et minimaliste case du récit des origines de Batman, telles qu'elles ont été imaginées par Bob Kane et Bill Finger, postérieurement à la naissance du héros, et dans une double planche qui sera régulièrement publiée en amorce des magazines et qui paraît pour la première fois en exergue de l'épisode fameux du dirigeable fatal dans Detective Comics numéro 33, c'est en novembre 1939, Bruce Wayne apparaît dans son salon en pleine méditation. Durant des années de préparation, il s'est formé à la criminologie et à ses différents aspects scientifiques. Parallèlement, il a façonné son corps jusqu'à atteindre la perfection physique et il a hérité de la fortune de son père. Mais il lui manque une identité secrète. On le voit alors plongé dans ses pensées, considérant que les criminels sont des êtres lâches et superstitieux, il désire trouver un costume qui doit leur inspirer la terreur et devenir une créature de la nuit, noire, terrible. Et c'est à ce moment que s'engouffre dans le salon et dans la case suivante une chauve-souris que Bruce prend pour un signe du destin. La suivante et dernière case de la planche le montre alors affublé de son costume, entouré de chauves-souris et prêt à bondir d'un toit. Batman est une dramaturgie. Il est inventé dans le cadre d'un spectacle qu'il répétera chaque soir et qui doit semer la peur et le trouble dans le cœur des criminels. Il se construit lui-même en une histoire menaçante et monstrueuse à destination des malfrats. Chacune de ses entrées, fracassantes, et de ses sorties, évanescentes, est travaillée avec le sens d'un spectaculaire qui sera immédiatement transformé en récit par ceux qui l'ont vécu, de près ou de loin, pour les destinataires très particuliers que sont les criminels. Fais ma publicité auprès de tes amis, disait le justicier au début du film de Burton, conscient du principe d'application selon lequel les récepteurs d'un récit adhèrent d'autant plus facilement à celui-ci qu'ils se sentent concernés par les informations qui y sont présentées. En 1866, le ministre prussien Bismarck échappa de justesse à un attentat révolutionnaire. Très vite, une version légendaire de l'événement se diffusa, rapportant que la balle tirée à bout portant s'était arrêtée contre la peau de l'homme politique et avait roulé à terre, tandis que Bismarck ricanait en arborant une grimace diabolique. Cette histoire, devenue un classique du genre, circula chez les adversaires du ministre de manière à le faire passer pour invulnérable et fut largement recyclée à l'occasion d'autres attentats contre d'autres hommes politiques. Jusqu'à se retrouver dans les pages de Batman. Combien de fois le personnage aura-t-il essuyé des tirs d'armes à feu sans jamais faillir? Une série de motifs issus de légendes urbaines ont ainsi été employés progressivement dans l'élaboration du personnage, dont beaucoup relèvent d'un folklore surnaturel très commun. L'hybridation entre l'homme et l'animal, le vampirisme, les récits de cryptes funéraires, les esprits vengeurs, etc. Mais Batman n'est pas la seule légende urbaine, n'est pas le seul agrégat de rumeurs de ses aventures. À bien y regarder, non seulement chacun des personnages de son univers duplique ce type de logique, les différents Robin, Catwoman, les innombrables ennemis, etc. Mais beaucoup sont issus de rumeurs urbaines très répandues au moment de leur création. Le super scélérat Killer Croc, trouvant son refuge dans les canalisations souterraines de Gotham, est un homme atteint d'une maladie de peau qui recouvre son corps d'écailles, au point que sa physionomie s'approche de celle d'un crocodile anthropomorphe de grande taille. Sa création par Jerry Conway et Don Newton dans Detective Comics numéro 525, en avril 1983, repose sur la légende tenace des crocodiles présents dans les égouts de New York et qui se propage depuis la découverte en 1932 d'un cadavre d'un alligator domestique dans la rivière du Bronx. L'histoire, très connue de l'autostoppeur fantôme, qui incite à l'accident, est recyclée par le diabolique Hugo Strange dans Detective Comics numéro 476 en avril 1978. Le personnage du Joker a bien évidemment évolué au fur et à mesure que les histoires sur les clowns tueurs ont pris de l'ampleur, notamment après l'identification en 1978 du terrifiant tueur en série John Wayne Gacy, inculpé pour 33 meurtres quand même, qui se déguisait en clown pour amuser les enfants dans les hôpitaux. Beaucoup de légendes urbaines viendront nourrir l'imaginaire des méfaits du Joker. Le squelette de souris retrouvé dans une bouteille de lait, une bouteille de soda. Les lames de rasoir dissimulées dans des pommes distribuées lors de fêtes sont les archétypes à des nombreuses tentatives d'empoisonnement collectif des citoyens de Gotham. Corruption des réserves d'eau potable, poison répandu dans les bacs d'envoyeurs de glace, etc. Et la rumeur à du gaz anesthésiant propagé à l'intérieur des maisons trouve son écho dans le fameux gaz mortel et hilarant que le Joker aime tant employer. Avec quelques autres psychopathes, dont l'épouvantail, Hush, pour silence, le sphinx, Bane, le professeur Pig, le taxidermiste, et le nom en dit déjà long, ou Mr. Zaz, qui reprend directement à son compte les histoires d'obsédés qui balafrent à coups de rasoir les mollets des femmes, le Joker incarne la peur des maniaques urbains, des démons intelligents qui sèment sans raison la mort et la violence sur leur passage. Les récits de tueurs en série, de pousseurs fous du métro, de détraqués qui ont fui l'asile, trouvent ici de parfaits écrins fictionnels. C'est encore au scénariste Denis O'Neill que l'on doit la création de l'asile d'Arkham dans Batman numéro 258, octobre 1974, qui enferme très mal tous les criminels les plus psychotiques de Gotham puisqu'ils ne cessent de s'en évader. Le lieu est par ailleurs maudit, aussi maudit que maléfique. Un véritable repère du mal, comme l'ont montré Grant Morrison et Dave McKean dans leur torturé et tortueux Arkham Asylum, publié en 1989. Double face, comme souvent, il tient un rôle pour le moins ambigu. Il est lui-même une incarnation complexe des différentes tensions narratives qui traversent de très nombreuses légendes urbaines. La marque au fer rouge du criminel, le visage du personnage a pour partie été défiguré par un jet d'acide, l'inquiétante face cachée de chaque être humain, sa nature schizophrénique le rapproche d'un Dr. Jekyll et Mr. Hyde, la mauvaise chance qui peut tout faire basculer dans l'horreur. Double face ne prend ses décisions qu'après avoir joué à pile ou face avec une pièce fétiche. Et enfin, bien sûr, la loi du talion, puisque ex-procureur brillant et dévoué au service de la justice, Double Face est à présent un redoutable criminel colérique au châtiment expéditif. On le voit, les comics de Batman se sont développés parallèlement à la prise de conscience de l'existence d'un folklore narratif urbain. Autant d'éléments disponibles dans les récits du quotidien, dont se sont inspirés directement ou non, consciemment ou pas, nombre de scénaristes. La plupart des histoires de Batman s'appuient naturellement sur les récurrences les plus dominantes des légendes contemporaines. L'insécurité du monde moderne, la violence urbaine et les instincts de vengeance dont le refoulement provoque probablement dans ces fictions une certaine fascination pour les formes de justice archaïque. Batman est la rumeur de la vengeance de la nuit. Autre rumeur. Batman est un super-héros. Et il s'agit sans doute de la rumeur la plus tenace et la plus répandue. Il est vrai que c'est ainsi qu'est née la légende. Vin Sullivan, le responsable éditorial qui a publié Superman dans Action Comics numéro 1 en avril 1938, recommande à Bob Kane, envieux des sommes d'argent que rapportait le personnage à ses créateurs, Jerry Siegel et Joe Shuster, d'inventer son propre super-héros. Le dessinateur cherche l'inspiration, on l'a dit, du côté d'un croquis, de machine volante, de Léonard de Vinci. Invente d'abord un Birdman, assez peu convaincant et effrayant, puis modifie les ailes et élabore un Batman, en pensant au film policier The Bat Whispers de Roland West, 1930, dans lequel un mystérieux et insaisissable cambrioleur porte une tenue ample et sombre qu'il associe à une chauve-souris. Quant à l'idée d'un justicier à l'identité secrète, elle provient du grand film épique The Mark of Zorro, la marque de Zorro, de Fred Niblo et Theodore Reed, sorti sur les écrans en 1920, avec le bondissant Douglas Fairbanks dans le rôle-titre. Cette inspiration majeure sera intégrée à la légende du héros, puisqu'il sera souvent raconté, notamment dans Batman Year One de Miller, que c'est en sortant de la projection d'un film de Zorro, le plus souvent la version de Ruben Mamoulian, celle avec Tyrone Power datant de 1940, et donc quasi contemporaine de la création de Batman, que les parents de Bruce Wayne seront abattus. Appelé à la rescousse par Kane, le scénariste Bill Finger modifie les ailes en une cape, fait dessiner une cagoule avec des oreilles de chauve-souris et, surtout, veut éloigner la nouvelle création de Superman. Un héros coloré et diurne, tirant sa force du soleil, arborant un sourire à toute épreuve, il préfère un justicier sombre, nocturne et masqué. Au récit fantaisiste de la science-fiction populaire, il substitue un univers de mystères criminels directement issu des pub magazines, des feuilletons radiophoniques, le fameux et pugnace détective The Shadow, créé en 1930 par Walter Gibson, des bandes dessinées policières, Dick Tracy de Chester Gould, publié en 1931, et du cinéma de genre, que serait Catwoman, Gueule d'argile ou le Joker, sans Jean Harlow dans Hell's Angels, Lon Chaney dans The Phantom of the Opera, ou bien Conrad Veidt dans The Man Who Loves, l'homme qui rit. Enfin, face au pouvoir de démiurge de l'extraterrestre, il met en valeur un simple humain, parvenu à un niveau d'absolue perfection de ses capacités physiques et intellectuelles. À bien des égards, Batman est une sorte d'anti-Superman. Sa valeur inversée, son meilleur contradicteur. Et sera, en conséquence, très très vite tentant de rassembler les deux héros. Entre autres, dans la revue World's Finest Comics dès 1941, ces deux héros aussi opposés que complémentaires, réunis donc dans ces aventures communes, qui, lorsqu'elles seront écrites par des scénaristes habiles, maniant parfaitement l'optimisme du premier et le cynisme du second, donneront le meilleur et le plus drôle des tandems. Cependant, qu'a donc de vraiment super-héroïque Batman? Non seulement il n'a aucun super-pouvoir, il ne vole même pas, mais son travail dans les rues de Gotham laisse vite à désirer. Les mêmes criminels ne cessent de lui échapper ou de s'enfuir de prison pour recommencer leurs méfaits. Alors certes, il démasque, il révèle, il affronte, il intercepte. Mais au total, peu d'actes relèvent à proprement parler du super-héroïsme. En fait, Batman est surtout son propre super-héros. C'est-à-dire qu'il est un héros de l'accomplissement de soi. Tout au long de ses aventures, Batman aurait pu gagner des super-pouvoirs, soit par sa fréquentation assidue de situations et d'êtres surnaturels, soit par la concrétisation de projets plus inscrits dans la science-fiction, que son cerveau exceptionnel lui aurait permis de mettre au point. Batman pourrait, par exemple, voler en permanence grâce à des propulseurs, s'il le voulait. Il pourrait aussi porter un exosquelette, un scaphandre, ou une armure robotique qui le rendrait toujours invulnérable et puissant. Il pourrait encore s'administrer des potions de sa concoction, ou même une sorte de venin galvanisant, comme son ennemi Bane, par exemple, qui améliorerait ses capacités cognitives ou sa force musculaire, ou encore incorporer des nanotechnologies qui lui attribueraient des pouvoirs extraordinaires pour rivaliser avec tous les autres super puissants de la Justice League. Mais non. Batman, sauf exception notable et impérieuse, en raison d'une situation d'urgence cataclysmique, et seulement de manière très momentanée, Batman refuse tous ses attributs. Il dédaigne totalement la grande idéologie de son temps et de son siècle, celle d'un homme augmenté par la technologie, la chimie ou même la magie, dans un monde pourtant rempli de super-ennemis dangereusement améliorés et d'alliés aux ressources extraordinaires, voire cosmiques et divines. Batman est un homme ordinaire et doit le rester. L'étude permanente ainsi que l'entraînement à la cible, du corps comme de l'esprit, sont ses seules ressources pour atteindre l'excellence et incarner le meilleur des hommes, y compris moralement. Même lorsqu'il va boire un verre avec Superman, World's Finest Comics numéro 302, juillet 1984, il refuse le produit possiblement dopant de l'alcool au profit d'un verre de lait. Batman est passé maître dans bien des domaines, des arts martiaux à la biologie, sans oublier la mécanique et le pilotage automobile et aéronautique, la physique quantique, la psychologie criminelle et même la résolution de rébus. Sa seule concession à l'intensification de ses actions est l'emploi d'outils qu'il a généralement forgé lui-même. Bat-ordinateur, bat-grappin, bat-harangue, etc., etc. Alors son chef-d'œuvre d'ingénierie est sans doute sa bat-ceinture. Un véritable arsenal miniaturisé, portatif et inviolable, comprenant entre autres un communicateur de longue portée, un mini-ordinateur, une caméra, des balises de GPS, des traceurs, des capsules de fumigène, des gaz lacrymogènes, des armes anesthésiantes diverses, des antidotes à tous les poisons répertoriés, une torche lumineuse, un masque à oxygène, un lance-flamme, et bien plus encore, comme par exemple un morceau de kryptonite, on ne sait jamais. Cette merveille d'ergonomie qui donne de surcroît un certain style à sa tenue, ce Batman semble complètement dénudé sans sa bat-ceinture, incarne parfaitement le fantasme capitaliste de l'homme moderne, prêt à chaque instant à dégainer son astuce technologique, gouvernant le monde et ses situations les plus improbables grâce au génie de l'objet manufacturé, à la possession de gadgets et de machines, à la domination des sciences et des techniques, toujours de pointe, forcément. Le véritable super-exploit de Batman ne se trouve toutefois pas tant dans ses remarquables aptitudes à utiliser au maximum de leurs possibilités son corps, son intelligence et ses moyens financiers dans sa lutte contre le crime, que dans la transfiguration de sa condition humaine. Le petit garçon orphelin, brisé par le traumatisme d'une violente tragédie, est devenu le plus grand des héros par sa simple détermination. Le super-héroïsme n'est pas ailleurs que dans cette forme de super-volonté qui permet à l'humain d'être le héros que Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman, Martian Manhunter et bien d'autres héros, aux capacités fabuleuses, respectent, redoutent et craignent même avec raison. Voir par exemple l'arc narratif de Mark Waid, Tower of Babel, publié en 2000 dans JLA numéro 43 à 46. Luttant contre des super criminels bien plus forts que lui, bravant des dieux maléfiques comme des extraterrestres tout-puissants, Batman a d'abord dû se construire lui-même de manière super-héroïque. S'il hérite d'une fortune, il n'obtient aucun pouvoir, si ce n'est ce dont il a réussi par le travail, à se doter lui-même. Il est le mythe du self-made hero, qui doit sa réussite à son mérite personnel, d'autant plus honorable que son enfance lui a été volée, comme le personnage du film d'Orson Welles, Citizen Kane. Son Rosebud à lui n'est pas un traîneau, mais un collier de perles, celui que sa mère perd tout en perdant la vie. De nombreux auteurs ont élevé l'objet, présent de manière tout à fait anecdotique dans le Batman numéro 1 de 1940, mais de nombreux auteurs par la suite ont élevé l'objet au rang de fétiche du héros, incarnant la fin de son innocence. Dans The Dark Knight Returns, Miller fragmente et décompose en une multitude de cases, comme dans un infini ralenti, ce dont se souviendra Tim Burton dans son film, le moment où le collier est arraché du cou de la mère de Bruce par le criminel. Étalée sur trois planches, une série de vignettes sur fond de nuit noire montre en gros plan les perles nacrées se détacher les unes des autres, tandis que le jeune Bruce du passé et le vieux Wayne du futur se confondent dans leur éternelle solitude. Darwin Cook, avec son trait rétro et nostalgique, amplifie encore l'idée dans son Batman Ego en 2000. Lorsque la mère de Bruce vient le border, le petit garçon isole dans le noir le collier de perles de sa mère et l'associe à sa bienveillance et son amour maternel. Les deux planches suivantes, évoquant successivement le temps du crime et celui du deuil, font exploser les perles blanches, séparées les unes des autres par la violence de l'agression, lancées de manière chaotique sur un double page. Par la suite, chaque tache blanche dans une case fonctionnera comme une triste réminiscence de ces événements. De ce point de vue, Batman est la revanche de Bruce Wayne, le fantasme d'un petit garçon dramatiquement fragilisé et isolé. La vraie dimension super-héroïque de Batman est donc d'être Batman. Cet exploit l'incite à se comporter comme un modèle, non seulement pour ses nombreux acolytes, tous ses Robins, mais aussi pour ses innombrables lecteurs. À la fin de Batman numéro 3, septembre 1940, le justicier de Gotham s'adresse directement à nous. « Hello, Widows !» Salut les lecteurs. Pour nous avertir que le crime, présenté comme un style de vie que l'on pourrait choisir, ne paye pas. Il rappelle les efforts qu'il fait au jour le jour pour faire triompher la justice et nous met en garde contre les tentations du mal. Lui, le vigilante masqué, espère que nous ferons les bons choix pour rester du bon côté de l'ordre et de la loi. Bref, le super-héros se la raconte un peu. Une œuvre au noir. Chers lecteurs, si vous pensez qu'ils n'arriveront jamais à faire mieux que cette histoire-là, attendez de voir ce que vous réserve la prochaine aventure de Batman, promet la dernière case de The Brave and the Bold, numéro 84, juillet 1969, par Bob Haney et Neil Adams, après un épisode très riche en action dans lequel Batman fait équipe avec le sergent Rock. La promesse du récit feuilletonesque et la logique de surenchère suggérée par le dispositif sériel des comics inscrivent l'infatigable Batman dans une lutte sans fin, dont chaque épisode prendra la forme d'une bataille homérique. Personnage originellement violent, conditionné par l'imaginaire pulp des intrigues criminelles du début du siècle passé, Batman est peu à peu devenu un justicier tout aussi déterminé, mais aux méthodes plus modérées, retournant sa colère contre lui. Les traumatismes personnels de ce grand héros d'action mélodramatique sont progressivement devenus le sujet de ses fictions au tournant des années 70, lorsque la voix subjective et mentale du héros s'est de plus en plus souvent substituée au texte omniscient d'un grand narrateur externe, exprimant ses doutes et ses peurs face à un monde cauchemardesque, comme le faisaient, un peu plus tôt, nombre de personnages masculins du film noir hollywoodien confrontés à une forme diffuse de terreur sociétale. Toutes les figures du noir seront travaillées par les différents dessinateurs et scénaristes engagés dans les aventures du Dark Knight, de l'opacité narrative, l'ambiance confuse, onirique, cauchemardesque de nombre d'épisodes, au traitement psychologique du personnage, une certaine complaisance romantique pour les déchirements intérieurs, doublée d'une crise de la masculinité, d'une vision du monde paranoïaque. En passant, bien sûr, par un traitement visuel qui a ravi les dessinateurs et les encreurs adeptes du clair-obscur. Batman est une ombre, une voile, une aile qui recouvre la ville et ses ennemis, une présence absente ou une absence présente, une cape dépliée comme un linceul sur ses adversaires. Il est un être des ténèbres dissimulé dans la pénombre, capable de faire l'obscurité autour de lui. Noir, c'est noir. Marshall Rogers, Todd McFarlane, Frank Miller, David Mazzucchelli, Tim Sale, Jock, Sean Murphy, Greg Capullo, David Lynch, Jim Lee, Gary Frank, Dave McKean et combien d'autres n'ont-ils pas mis en scène de manière fantasmatique, plastique et expressionniste cette redondance rhétorique fusionnelle de la cape et de la pénombre. Batman est la nuit. Il faut se rappeler son premier serment dans l'épisode que Bob Kane et Bill Finger consacrent à sa jeunesse. « Je dois devenir une créature de la nuit. » Une nuit sans fin, comme le raconte parfaitement Paul Dini dans le roman graphique War and Crime, 1909, soutenu par les incroyables dessins hyperréalistes d'Alex Ross, représentant de manière époustouflante un Batman humain déployant prodigieusement les ombres de sa silhouette et les pans de sa cape lorsqu'il s'apprête à frapper le crime au cœur de la nuit. Batman sauve un jeune orphelin, chasse les gangs armés du quartier pauvre, redonne l'espoir à une population oubliée, mais il ne s'agit que de petites victoires qui, si elles l'encouragent à poursuivre son combat, sont loin de promettre aux criminels qu'il traque comme à lui-même la rédemption. Il ne peut rien contre le déterminisme. Il est impuissant face à son destin. Perché de manière iconique sur un des plus hauts toits de la ville, la cape au vent comme emportée par les forces de la nuit, le regard bienveillant du justicier porté au loin, Batman avoue qu'il mène en toute conscience une guerre qu'il ne gagnera jamais. Son fatalisme est une éthique autant qu'une esthétique. Dès lors, et peut-être contre toute attente, il faut imaginer Batman heureux. Merci de votre attention.